as we apply the practice, making effort to observe every arising object, beginning with the rising and the falling of the abdomen, using the quality of aiming to try to be connecting precisely with the object. In between our observations of the rising and the falling and other prominent objects, the mind wanders away. You might find that that happens. En nous faisant l'effort de pratiquer, en observant le soulèvement, l'apparition et la disparition de l'objet, en visant l'objet, en se liant précisément avec l'objet, entre les deux observations et les observations et quand on observe d'autres objets proéminents, l'esprit peut vagabonder. Et où est-ce que l'esprit vagabonde, où est-ce qu'il s'en va? Il va vers les obstacles. Les obstacles qui empêchent les obstacles pour notre pratique. Donc, je vais parler ce soir des obstacles expérimentés, des empêchements, mais aussi les moyens que nous pouvons utiliser pour continuer sur le chemin et sortir du cycle de samsara. Ça nous permettra aussi de développer le chemin de la pratique. Ça veut dire développer la conscience, la concentration et la sagesse. Le titre de ce sujet en pali, c'est Nyana, N-Y-Y-A-L-O-N, N-A, et Nyana Varana. C'est comme le premier mot, et après on rajoute V-A-N-A-R-A, long. Et donc, Nyana, A est aussi long dans ce mot composé. Qu'est-ce que ça veut dire, Nyana? Ça veut dire c'est les moyens pour s'échapper. Étymologiquement, historiquement, étymologiquement, ce terme n'explique pas de quoi nous essayons de nous échapper. Si on dit les moyens de s'échapper, ça veut dire se libérer de l'asservissement de la souffrance. Donc nous devons comprendre les niyana ou le terme niyana comme les moyens de se libérer de l'asservissement. Et l'asservissement le plus proche, c'est l'asservissement que nous connaissons, que nous avons et nous connaissons tous, vous, moi, tout le monde. Et le plus grand des asservissements, sont les objets sensoriels, les objets qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, qu'on goûte, qu'on touche. C'est toutes ces petites choses qu'on aime. Quand on voit, on sent quelque chose d'agréable, et non seulement ça, mais c'est aussi vouloir d'avoir encore mieux et encore mieux, et nous ne voulons pas laisser partir. C'est toutes ces bonnes choses que nous expérimentons en écoutant, en entendant, en écoutant, en les sentant, en les goûtant, etc. Et ceci génère la soif. Et si ça se renforce, alors nous ne pouvons plus être libres de cela. Donc c'est pour cela qu'on parle de l'asservissement. Et cet état est comparé à l'état d'un esclave. Évidemment, c'est des petites choses comme vouloir aller prendre une tasse de thé, mais on n'est pas libre de cela. Si nous laissons profiter de toutes ces choses agréables tout le temps, nous laissons cette soif en toute liberté. C'est vrai que ces choses-là sont agréables, mais ces choses ne durent pas. C'est un peu comme les fourmis qui vont grimper dans un pot de miel liquide, et ils vont être noyés dans ce miel, dans ce plaisir, et de la même façon, à la fin, nos plaisirs vont nous tuer. Et en fait, c'est pas les objets des plaisirs de sens, c'est pas vraiment un problème, mais c'est le fait que nous sommes ravis par ces objets, nous prenons plaisir à ces objets, nous développons la soif. Et donc, pour se libérer de ceci, nous devons nous battre. Et les moyens pour nous battre, pour nous libérer, c'est les niyana. Donc, il y a ces deux termes, niyana et niyanavarana. Niyana, c'est ce qui nous permet de se libérer, et Niyana Varana, c'est ce qui nous bloque, ce qui nous empêche, ce qui empêche, qui bloque en fait les moyens de se libérer, de nous échapper. Et donc, il y a huit types, ou on peut dire les huit paires. À chaque fois, d'un côté, c'est les moyens, et de l'autre côté, c'est ce qui bloque. Et le premier, c'est Nekama, N-E-2-K-H-A-2-M-A. C'est ce qui nous permet d'être libre. Littéralement, ça veut dire arrêter quelque chose, se retirer de quelque chose. Et le deuxième, c'est Abhyapada, A-B-Y-A-L-O-N-P-A-L-O-N-D-A. C'est de ne pas se mettre en colère ou ne pas être déprimé. Et le troisième, c'est Alokasanya, A-L-O-K-A-S-A-2-N-2-N-Y-A. Allons, ça veut dire littéralement regarder ou voir la lumière, et ça veut dire autrement, c'est noter et savoir de telle façon que l'objet est distinct, il est clair. Et le quatrième, c'est avikepa, ne pas être distrait. L'esprit n'est pas frileux, il n'est pas distrait. Et ça s'écrit A-V-I-2-K-H-E-P-A. Et donc, je vais commencer par d'abord expliquer en anglais et après donner en pali. Et donc le cinquième, c'est être capable de distinguer entre les actions propres et impropres. Et donc c'est Dhamma Vava Thana, Dha 2M Ava Va Tth Alon Na. Et le sixième, c'est de connaître les phénomènes psychophysiques tels qu'ils sont, ça veut dire l'esprit et la matière, et aussi connaître le lien, la relation de cause à effet. Et en pali, c'est jnana, donc jna, alon, na. Et le septième, c'est la joie, l'allégresse, la satisfaction, le ravissement. Et en pali, c'est Paramoja, Palong, Mojja. Et le huitième, c'est les actions appropriées ou irréprochables. Donc là, nous avons Kusala Dhamma, Kusal Alon, Dha 2M A. Et les huit choses qui nous bloquent, les Avarana, sont la première, c'est d'être ravi et prendre plaisir dans les objets sensoriels, en pali Kamachanda, Ka Along M A 2 de C H A N D A. Et la deuxième chose qui nous empêche, qui nous bloque, c'est la colère ou le rejet. Bhyapada, BY Along, P Along, D A. Et la troisième, c'est la paresse, la torpeur, le manque d'énergie mentale, l'indolence, et en pali, c'est Tina Mitra. Thinamiddha. Et le quatrième, c'est l'agitation, la fébrilité. Et en pali, c'est Udacha. Udacha. Et le cinquième, c'est le doute. Vichikicca. Vicika, I2C, H, Along. Le sixième, c'est l'ignorance, ou connaître de façon erronée, en pali, Avijja, Avij, J, pardon, Along. Et le septième, c'est le mécontentement, en pali, Arati, Arati. Et le huitième, c'est tous les dhammas répréhensibles, tous les dhammas impropres en pali, Akusala Dhamma, Akusala, plus loin, Dha 2M A. Je vais essayer de présenter tous ces huit paires, en commençant par maintenant et jusqu'à la fin de cette retraite. Donc ceux qui restent 15 jours jusqu'à la fin auront la chance d'entendre toute la série de 2 fois 8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nekama? Ça veut dire de se libérer. Ça veut dire aussi le renoncement des sensations de désir. Ceci est expliqué par plusieurs, ça a plusieurs sens. Et le premier, c'est Pabaja. Excusez-moi, c'est Pabaja, ça veut dire sortir des plaisirs des sens. Le deuxième, c'est le premier jhana, ça veut dire le premier niveau de concentration de samatha. Ça veut dire aussi nibbana, ça veut dire aussi vipassana, et ça veut dire aussi tous les actes appropriés, tous les dhammas appropriés, kusala dhamma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Pabaja, P-A-2-B-A-2-J-A. Ça veut dire partir, renoncer. Mais il y a aussi, donc ça c'est Baja, et pas, ça veut dire mettre de côté toutes les choses de ce monde. Qu'est-ce qu'on peut mettre de côté dans ce monde? Donc là, on peut laisser derrière nos affaires. Nous pouvons laisser aussi, par exemple, notre famille, nos préoccupations. Et ceci, si nous venons pour une semaine, alors nous laissons tout cela pour une semaine. Donc nous abandonnons tout ça le temps que nous sommes là. Si nous sommes là pour 2 semaines, à ce moment-là, nous laissons tomber tout ceci pendant 2 semaines. Nous laissons tout ça derrière. Et pour revenir au mot aller, Vajja, donc c'est aller quelque part et pour vivre autrement. De quoi il s'agit? C'est d'aller dans un endroit où on peut éteindre les souillures d'esprit telles que raga, dosa et moha. Par exemple, ici, ça peut être un centre de vipassana. Et non seulement on les met de côté, ces souillures mentales, comme d'habitude, mais on le fait de façon active. Donc, on éteint activement les souillures mentales, les kilesa. Alors, comment apparaissent les souillures mentales, les kilesa? K-I-L-E-S-A. Les kilesa apparaissent en dépendance des objets. Par exemple, quand nous avons un objet désirable, alors apparaît la flamme, le feu de raga. Au début, il est tout petit. Et après, il commence à flamboyer avec élan, il est fort, et après, il est carrément incontrôlable. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Et si nous rencontrons quelque chose d'insatisfaisant, alors vont apparaître les différents sentiments qui sont basés sur la colère. Ça peut être la colère, le ressentiment, donc ça va flamboyer. Et quand c'est fort, alors la personne va commettre une transgression. Et alors, il y a aussi la possibilité où l'esprit est incapable de décider. Et il manque de clarté, il y a la confusion, il ne voit pas les choses correctement, il ne voit pas ce qui est incorrect comme incorrect. Il perçoit les choses de façon erronée. C'est aussi un esprit qui est indécis et qui n'est pas clair. C'est de cette façon qu'apparaissent les kilesas. Est-ce que vous avez expérimenté dans cette retraite les kilesas, les souillures? Est-ce que vous avez noté? Et donc, c'est comme ça qu'apparaissent donc les émotions en dépendant des objets que nous rencontrons. Et sur la base de cela, apparaissent, nous allons accomplir des actes répréhensibles, nous allons commettre des actes incorrects, et en fait, les deux personnes, celui qui, envers qui on commet ces actes et qui va souffrir, mais aussi la personne elle-même qui va souffrir de ces actes plus tard. Donc, si nous regardons attentivement, nous allons voir que la cause principale, la cause racine de ces souffrances, c'est les souillures, les kilesas. Et tout le monde méprise, n'aime pas la souffrance. Et si nous n'aimons pas la souffrance, donc il faut aussi il faut se libérer des causes de cette souffrance. Donc là, on parle des feux et on peut utiliser l'analogie des feux qui commencent quelque part, par exemple, quelque part dans un endroit autour de notre maison, par exemple. Donc, quand le feu apparaît, nous allons aussitôt utiliser l'équipement anti-incendie, les extincteurs, et à ce moment-là, donc, si c'est possible, si on n'a pas de ces moyens, à ce moment-là, nous allons partir et nous allons appeler les pompiers. Donc, quand c'est des vrais feux, alors nous sommes tout le monde est assez rapide pour les éteindre. Donc, la même chose avec les kilesas, les souillures, telles que raga, dosa, moha, desquelles on a parlé tout à l'heure. Ça brûle constamment et vivement. Donc, il est important en général, nous faisons pas attention à ceci. Et nous, ou même si nous reconnaissons ces souillures, à ce moment-là, nous ne réagissons pas. Et le résultat est le même, c'est la souffrance. C'est comme avec un morceau de bois qui est touché par le feu, il va ressembler à du charbon, il va devenir charbon, il sera noir. Et de la même façon, les kilesas vont nous nuire et nous allons souffrir dans le futur. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'éteindre ces feux-là aussitôt que possible, aussi rapidement que possible. Et, si nous n'éteignons pas, nous n'arrêtons pas le feu et nous continuons à profiter des choses de ce monde, des plaisirs sensuels, c'est un peu comme jouer avec du feu. Nous jouons pendant quelque temps, mais il se peut que nous ne sommes pas conscients que ça brûle. Mais quand on est fatigué, ce sera plus difficile de gérer. Et donc, nous pourrons souffrir de cela. C'est pour cela qu'il est nécessaire de éteindre ces feux-là, de les arrêter. Et quelle est la façon, la méthode pour les éteindre? C'est la pratique, la méthode de Satipatthana. Autrement dit, on peut aussi présenter ça comme les trois entraînements, Sila, Samadhi et Panna. Et comment nous pourrons les pratiquer? Quel est l'endroit, le meilleur endroit pour arrêter les feux, pour les éteindre? C'est un centre de méditation. Et là, dans un centre, nous prenons l'apparence, nous prétendons d'être un yogi ou on devient monastique, moine ou non. Et pourquoi faire ceci? Parce que si nous continuons à traîner avec nous les affaires de ce monde, ce sera difficile de pratiquer, de méditer de façon continuelle. C'est pour cela il est important de mettre les affaires du monde, les choses du monde de côté. Et de cette façon, nous pourrons pratiquer les dhammas de Sila, Samadhi et Panna complètement. Et c'est ça, c'est ça la signification du terme Nekama. Et donc, non seulement nous allons dans un endroit, nous partons dans un endroit où on peut pratiquer et avoir l'apparence d'un yogi, mais en fait, il faut aussi appliquer, pratiquer ce qu'il faut. Et c'est à ce moment-là, c'est en pratiquant, qu'on va devenir non seulement un yogi en apparence, mais on va devenir un vrai yogi. Et de cette façon, nous allons accomplir notre but, la raison pourquoi nous sommes venus ici. Et de cette façon, les tendances des grosses, des intermédiaires et des très fines tendances aux trois souillures vont mourir. Donc, nous allons devenir le yogi non seulement en apparence, mais aussi en réalité, en pratique. Et comment nous allons actuellement pratiquer ceci? Pendant notre pratique assise, nous plaçons notre attention sur l'abdomen. Ça, c'est l'objet principal, l'objet primaire. Et nous observons le soulèvement, l'abaissement. Donc, il faut viser l'objet avec l'esprit. Il faut qu'on se focalise sur l'objet. Donc, ce fait de viser en pali, donc se concentrer, rester sur l'objet, en pali, c'est vitakka, Vitakka. Et plus on se focalise, plus on vise sur l'objet, plus on accumule ce fait de viser, plus l'esprit reste sur l'objet, il commence à se frotter à l'objet. Donc, à ce moment-là, il va rester sur l'objet pour donner l'image de vitaka et le deuxième, le fait de rester vichara, vicara. C'est un peu comme quand on sonne une cloche. Au début, le son initial, c'est plutôt comme vitaka. Et après, la cloche continue à résonner et ceci est vichara. Et quand nous restons sur l'objet et nous notons, alors progressivement, ça devient quelque chose de satisfaisant. L'esprit reste sur l'objet il reste un instant après l'autre. Et sans espace intermédiaire. Et plus nous accumulons ces périodes de rester sur l'objet, plus nous allons expérimenter de joie, de satisfaction. Nous voyons que ce n'est pas comme avant, ça devient intéressant, ça devient satisfaisant. Alors apparaît le facteur qui, je ne sais pas comment traduire, mais en pali, c'est samasana jnana. C'est de connaître la vraie nature et les qualités, par exemple, telles que la dureté, la douceur, les qualités physiques. Et aussi, c'est de connaître l'impermanence, la souffrance, l'absence de soi. Et à ce moment-là, va apparaître le bonheur, la satisfaction d'arriver à ce point. Cette connaissance se développe étape par étape, moment par moment, et nous allons expérimenter le ravissement, la joie, la satisfaction. L'esprit et le corps seront apaisés, paisibles dans ces moments de concentration. Et c'est ce qu'on appelle dans le Vipassana la concentration unifiée, parce que l'esprit est unifié avec la joie, l'effort et d'autres qualités. C'est de cette façon que dans le Vipassana, l'esprit se focalise sur l'objet. Et c'est pour cela la pratique de Vipassana où la concentration devient nekamana. Ça veut dire se libérer des objets sensoriels. Nous devons arrêter là. Je vais continuer demain à parler de ce qui de Nekama et ce qui bloque Nekama. Ça veut dire les désirs sensoriels. Donc, je vais expliquer pratiquement ce qui nous empêche dans la méditation. J'espère que vous obtiendrez les fruits de cette retraite dans ce centre de méditation en observant l'apparition des objets, continuant à faire des efforts. Et ceci est même sûr que vous allez développer l'esprit pur. Sadhu, sadhu, sadhu. For tonight, we have to stop here, and I will have to continue to say more about both nekama and also how does the ways in which we get blocked by sense desire when we're in the practice. So I hope that all of you will get the fruits of having come to this retreat center and applied and of applying yourself to the practice, if you observe the arising objects one by one, beginning with the main object, continuing to make effort as make effort, aim the mind, you are sure to develop stability of mind and the fruits that come with that. You say sadhu three times. Sadhu, sadhu, sadhu.